En Corée, l'exposition des beaux-arts consacrée au 30e anniversaire de la fondation de l'Agence centrale de création artistique est ouverte le 3 août à la Maison de la culture internationale de Pyongyang. Y sont exhibés plus de 80 tableaux de peinture coréenne et à l'huile et articles de fantaisie.